Ça, voici l'humeur de Guillermo Guiz. Hey, oh, voilà, voilà, qu'est-ce que voilà. Allez, le Colombien. Allez, le Belge. Allez. Bonjour les amis. Salut. Non. Ah, ok. Bon, alors, comme souvent dans cette rubrique qui n'intéresse personne, je vais vous faire part d'une réflexion à moitié aboutie sur un sujet que j'ai vaguement compris. Comme souvent aussi, par politesse, vous allez me dire à la fin, merci Guillermo, très juste votre regard sur la religion alors que je viens de parler de la cuisson des tortellini. Donc ensuite, Nagui va réveiller Philippe Besson et tout sera oublié 9 secondes plus tard. Alors, je me lance, question. Oui. Est-il raisonnable d'apprendre aux machines à tromper, dominer et dépasser l'homme? Question que je vais répéter pour permettre à Daniel Morin de tout saisir et à ce billet de me rapporter 2 euros de plus en droit d'auteur. Est-il raisonnable d'apprendre aux machines à tromper, dominer et dépasser l'homme? Je suis fasciné par l'intelligence artificielle et par tout ce qui est intelligence en général. Autant dire qu'en tant que membre de la bande originale, je ressens un grand manque, un grand vide à ce niveau. Heureusement qu'Albert et Leïla compensent avec d'autres qualités. Mais pourquoi je vous parle d'intelligence artificielle? Eh bien parce que pour la toute première fois de l'histoire, un algorithme a battu les meilleurs joueurs du monde au Texas Hold'em No Limit, la version la plus aventureuse absolument du poker. Et j'ai un peu peur que vous soyez passé à côté de cette info parce qu'elle a été relayée par écrit. Une info cruciale. Pas mal. Une info cruciale parce que le poker est un jeu on ne peut plus humain où, contrairement aux échecs par exemple, tu ne connais pas le jeu de l'adversaire. Pour être performant au poker, il faut à minima pouvoir comprendre la psychologie de l'autre, savoir bluffer et avoir été en prison. La plupart des algorithmes ont un casier vierge. Et je sais que c'est un cliché évidemment d'associer le poker à la prison, mais pour avoir joué souvent dans les casinos, je peux vous dire qu'à ta table, tu peux avoir un sociopathe, un dealer de drogue et un animateur télé. Et parfois, c'est même pas la même personne. Je vous promets, c'est tétra chelou le poker au casino, vraiment. Il y a des auditions de Jean-Marc Morandini qui sont moins malsaines. Enfin bon, pas de quoi se faire cuire une couille avec vos histoires de casino, me dira Leïla Kaddour Boudadi, élégante, mystérieuse, tellement femme. Et elle aura tort, parce que ce duel entre homme et machine est un tournant dans la progression de l'intelligence artificielle. Le tournoi a duré 20 jours et forcément, pendant que les joueurs humains faisaient des trucs d'humains, notamment à base de paupières, d'estomac ou de narines, et par des trucs humains à base de narines, j'entends juste respirer, Nagui. Mais j'ai pas compris. Ils sont les quartiers colombiens en dehors de tout ça. Mais pendant ce temps-là, le logiciel, lui, il continuait sans relâche à s'auto-analyser, à apprendre de ses propres erreurs et à s'améliorer. Plus le temps avançait, plus il réfléchissait comme un humain, en fait. Au 20e jour, le logiciel, il a gueulé « Tapis, bande de lopettes !» Et dans le pot, tu rajoutes 100 000 balles, les clés de ma bagnole et deux de mes fils. Moi, ça devenait hyper réaliste, en fait. C'est limite flippant, mais ça a marché. Parce qu'à force d'auto-apprendre et de s'auto-améliorer, l'algorithme a fini par dégommer tout le monde et a empoché 1 700 000 dollars. Sans blague. Virtuel, évidemment, je vous rassure, à ce stade-ci, on peut encore carotter un logiciel sans risquer de retrouver une balle dans sa boîte aux lettres ou une tête de cheval sur sa tête d'oreiller. Et puis, de toute façon, vécu, ça. Ouais, et puis, de toute façon, 1 700 000, c'est beaucoup trop quand t'es un logiciel informatique. Hein, tu fais quoi une fois que t'as acheté ton appli coke et ton appli pute? Hein, tu fais quoi? Il te reste 1 600 000, tu sais plus quoi en foutre, évidemment. Algorithme, c'est pas encore une vie. Mais ça pourrait le devenir. Et c'est ça l'inquiétude des scientifiques les plus pessimistes, c'est qu'à force d'apprendre aux machines à apprendre par elles-mêmes, bah, on risque un jour de les voir nous supplanter ou même à terme de s'organiser contre nous, évidemment. Bon, il y a un peu de marge avant que votre grippin ne prenne conscience de lui-même et se dise, tiens, pourquoi j'ai le droit comme vieille miette brûlée toute pourrie pendant que mon maître a les tartines et la chicorée? Il y a le temps, puis qu'ils font d'une armée avec des frigos, des iPods et des presses citron électroniques. Il y a le temps, non, mais le surmoi du toaster, c'est pas encore pour tout de suite. Mais enfin, l'intelligence artificielle forte et hors de contrôle n'est pas un risque à négliger, même si la communauté scientifique est très divisée sur l'imminence du danger. Moi, je sais pas qui a raison, je suis à la science à peu près ce que Philippe Candeloro est au Becherel. Mais je sais une chose, c'est qu'en tant que Sagittaire ascendant flippette, j'ai eu peur 2 fois en regardant chaque. Donc, je peux vous dire, voilà. Donc, moi, j'ai vraiment la crainte qu'un jour les machines soient suffisamment intelligentes pour construire d'autres machines et qu'avec nos cerveaux, Cyril Hanouné, on soit incapable de comprendre leur fonctionnement et qu'en moins de temps qu'il faut pour dire popline, popline, on se fasse dégager façon esclave, hein, limite comme dans Matrix, quoi. Voilà, Nanagui. C'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Vous pouvez réveiller Philippe Besson. Merci, Guillaume. La bande originale.